pas besoin de bonne pays, pas tout Haïti. Nous pas besoin de bonne pays, qui douce comme ça. Le matin au lever, soleil à briller, c'est ça que faire au sortir que bonjour. Étranger pas oublié, douce à gagner la donne. Étranger pas oublié, tout ça qui est bon. C'est ça que fait mon rêve, oh Haïti chérie. C'est ça que fait mon rêve. Haïti, chérie, c'est ça que fait moi rêver, oh Haïti.